15 chiffres observation, degré d'assentiment. Vous la connaissez? Oui, je la connais un peu. Oui, je la connais. Oui, je la connais très bien. Si je la connais, oh là là, bien sûr que je la connais. Je ne connais qu'elle. Vous aimez ça? Oui, j'aime assez ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Si j'aime ça, oh là là, bien sûr que j'aime ça. J'adore ça.